Chapitre 8e. L'existence des Robinsons de la Guyane fut tout d'abord matérielle, si toutefois il est permis de qualifier ainsi l'adaptation presque exclusive des facultés intellectuelles au fonctionnement de la vie organique. Si, d'une part, la solution de ce problème est fort complexe et souvent difficile à trouver au milieu de notre civilisation contemporaine, la rétribution d'un travail quelconque, de l'emploi des forces humaines appliquées à telle ou telle fonction, peut d'autre part en remplir totalement ou partiellement les multiples exigences. Le salaire d'un homme doit, en principe, lui suffire pour se procurer en nature les objets indispensables à l'existence des siens. Il va sans dire qu'un chef de famille ne pourrait, tout en donnant à sa famille et à ses enfants le pain quotidien, leur tisser des vêtements dont il aurait recueilli la matière première, leur fabriquer des chaussures, leur bâtir des maisons, les instruire, etc. La répartition du paiement de son labeur affecté à différents produits industriels lui permet de les faire vivre d'une façon plus ou moins abondante, mais en somme généralement suffisante. C'est sur cette solidarité, amenée par de mutuels et identiques besoins, qu'est basée notre société actuelle. Produire pour consommer en échangeant. L'effort constant du corps et de l'esprit d'un seul peut donc, en s'opérant sur un point unique, assurer la subsistance de plusieurs. Les proscrits, au contraire, manquant de tout, même des instruments de première nécessité, devaient créer de toutes pièces les choses indispensables à la vie. Il leur fallait manger et se bâtir, tirer en un mot des productions de la nature tous les éléments de l'existence. Un chapeau, une aiguille, un bouton, une feuille de papier, un couteau sont des objets que l'on trouve partout et à peu de frais. Mais à quelle difficulté presque insurmontable se heurtera l'homme isolé, perdu dans l'immensité, quand il sera forcé de confectionner ses menus bibelots. L'outillage, indispensable à leur fabrication, ne nécessite-t-il pas préalablement le fonctionnement de plusieurs industries? Robin ne désespérait pas une minute. Il avait en Nicolas un auxiliaire adroit, intelligent et zélé. Quant aux lépreux, sa vieille expérience d'homme des bois était par bonheur un précieux appoint. Les trois hommes se mirent incontinent à l'ouvrage après le départ d'Angosso. Telle est l'incomparable fécondité de la terre équatoriale qu'un abatti, abandonné quelques années à lui-même, est bientôt envahi par un inextricable enchevêtrement de lianes, d'arbres et d'herbes géantes. Les plantes alimentaires se mêlent aux végétaux parasitaires. Les uns et les autres se confondent, acquièrent un développement énorme, sans se faire le moindre tort d'ailleurs, mais en couvrant le sol, de façon que l'homme, submergé dans cette mer de tiges, de feuilles et de fleurs, ne peut ni faire un pas, ni cueillir un fruit. Il faut donc procéder avec méthode, sabrer, émonder, abattre, éclaircir, enlever non seulement les végétaux improductifs, mais encore choisir, parmi les plantes utiles, les plus beaux sujets, et sacrifier leurs congénères dont la surabondance amène fatalement la stérilité. C'est en somme un nouveau travail de défrichement, bien moins pénible, il est vrai, que celui qui consiste à tailler un domaine en pleine forêt, mais qui demande autant de patience que d'habileté. Les deux blancs et le noir commencèrent donc par débrousser en grand. Nous conservons à dessein ce mode débrousser, employé par les colons guyanais, et qui implique parfaitement cette idée de nouvelle conquête opérée sur la broussaille. La petite colonie ne pouvait vivre indéfiniment de poissons boucanés, de bananes grillées ou de fruits de l'arbre à pain. L'usage trop fréquent de la banane surtout produit des troubles intestinaux se traduisant par un ballonnement du ventre et une rapide déperdition de force. Le seul aliment pouvant remplacer le pain de froment est le manioc. Par bonheur, Casimir avait trouvé sur le versant de la colline une vaste plantation de manioc. Telle était la nature et la configuration du terrain, que le champ n'avait pas été envahi comme les autres points de l'habitation. Seuls les bois canons, Cecropia peltata, les végétaux par excellence des défrichements, avaient poussé leurs branches gourmandes. Leurs troncs lisses, d'un blanc éclatant, creux, remplis de moelle, d'où leur nom vulgaire de bois canon, se dressaient comme des colonnettes d'argent au milieu du tapis vert sombre formé par les feuilles de manioc. On recueillit en quelques heures une ample provision de racines. Un grage fut improvisé, une couleuvre fut tressée, mais un obstacle presque insurmontable se dressa aussitôt devant les colons. Ils n'avaient pas de platine pour cuire leur farine et faire évaporer le suc vénéneux contenu dans la pulpe, même après qu'elle était vigoureusement exprimée. Casimir n'avait pas l'esprit inventif. Rien ne pouvait pour lui remplacer la plaque de tôle sur laquelle il avait toujours vu préparer le couac et la cassave. Nicolas aurait, disait-il, donné un de ses yeux pour avoir une poêle. Robin resta songeur quelques minutes. Il tisonnait machinalement le foyer où cuisait le souper, avec un morceau de bois pointu, quand il aperçut entre les charbons quelque chose de brun rougeâtre, paraissant solide. « Tiens, » dit-il, surpris, « qu'est-ce que cela ?» Madame Robin s'approcha. Les enfants firent cercle. L'ingénieur poussa l'objet en question. C'était une grossière figurine de terre, travaillée par la main d'un artiste plein de bonne volonté peut-être, mais à coup sûr fort ignorant des lois de la statuaire. Robin ne se préoccupa guère de la forme, mais la matière l'intéressa. « Tiens, de la terre cuite. » « Oui, père, » répondit le petit Eugène. « J'ai fait un bonhomme et puis je l'ai mis à cuire. C'est pour jouer avec Charles. »« Et où as-tu trouvé cette terre, mon cher petit artiste ?»« Mais là, dans la maison. Tiens, regarde. J'ai un peu fouillé avec un morceau de bois. J'ai mouillé ma terre et alors j'ai fait mon bonhomme. » Robin se baissa, examina la petite ouverture, gratta le fond avec un sabre et ramena un échantillon de terre grasse au toucher, molle, un peu colorée en rouge par l'oxyde de fer. C'était de l'argile. « Mes enfants, » dit-il joyeux, « vous aurez demain midi chacun une belle galette de cassave. »« Oh, quel bonheur, de la cassave !» s'écrièrent en chœur les quatre gamins, ravis de ne plus manger de bananes. « Et comment feras-tu, dit père, » reprit le petit espiègle d'Eugène. « Est-ce que c'est mon petit bonhomme qui le fabriquera ?»« Non, mon cher fils, mais il sera la cause immédiate de cette amélioration dans notre ordinaire. »« Tiens, regarde à ton tour. » Et sans perdre un moment, le proscrit fouilla profondément le sol, retira une grosse masse d'argile très pure, la pétrit, l'humecta légèrement, la tritura quelque temps, puis l'étala en forme de disque, après l'avoir tant bien que mal aplani sous sa main mouillée. « Maintenant du bois, et chauffons ferme. J'aurais voulu faire sécher au soleil mon plateau, qui peut-être se fendira sous l'effet de la chaleur. Mais si ce léger incident se produit, nous recommencerons demain. » « J'ai deviné, patron, j'ai deviné !» s'écria Nicolas en entassant à quelques pas de la case plusieurs brassées de bois. « Vous avez fabriqué une platine en terre, est-ce vrai ?»« C'est exact, et mon instrument remplira parfaitement son but. »« Je m'étonne vraiment que les noirs et les peaux rouges n'aient jamais pensé à ce procédé si simple pour remplacer ainsi ces plaques de tôle dont ils sont si souvent privés. » Casimir, stupéfait, écarquillait son œil unique en murmurant « Oh, ça blanc là, jamais embarrassé, non ?» Il trouvait toujours toute cheville pour trou. Il trouve toujours autant de chevilles que de trous. Après 12 heures de cuisson sur un feu d'abord très doux, dont l'intensité fut peu à peu augmentée, la platine, un peu fendillée, et moins plane peut-être que la surface des eaux tranquilles, mais bien dure et complètement cuite, fumait sous une bonne et affriolante galette. Cette première victoire, remportée sur le besoin, fut accueillie avec toute la satisfaction que l'on peut imaginer. C'était bien une véritable conquête, autour de laquelle il serait possible d'opérer un groupement de toutes les choses de première nécessité et qui, d'abord informe, serait susceptible de toutes sortes de perfectionnements. On fabriquerait bientôt des poteries avec cette argile excellente, puis des briques, un fourneau, que sais-je encore. En attendant ce moment, Madame Robin, aidée de son fils aîné, procéda sous la direction de Casimir, grand panetier honoraire, à la confection de cette manne qui, sous les deux aspects de couac et de cassabe, constitue la principale ressource alimentaire des peuplades de la zone torride. Entre-temps, on débroussait avec ardeur. Les abords de la maison étaient parfaitement éclaircis, et on parlait de recueillir un peu de cacao et de café. Il était même question de fabriquer un enclos palissadé attenant à la maison et dans lequel seraient enfermés quelques oiseaux et quadrupèdes facilement domesticables, dont Casimir se faisait fort d'opérer sous peu la capture. Le premier pensionnaire de cette future basse-cour fit son apparition avant même qu'un pieu fût planté. Nul ne s'attendait à l'arrivée d'un animal aussi bizarre, qui ne peut être d'aucune utilité, mais dont l'aspect est tellement baroque et les habitudes si extraordinaires, que les enfants réclamèrent à grands cris le droit de cité pour lui. Cette innocente fantaisie leur fut, comme bien vous pensez, octroyée sans la moindre difficulté. Voici comment s'opéra cette nouvelle conquête dont Nicolas fut le héros. le Parisien était parti un matin au champ de manioc. Il était seul. Robin, resté à la case, était occupé à la confection d'une hotte en fibre d'aruma, à l'aide de laquelle devrait s'opérer, en attendant mieux, le transport des denrées alimentaires. Nicolas, dont l'œil fureteur, toujours aux aguets, inventoriait minutieusement l'horizon le plus rapproché, aperçut bientôt, sur la cime d'un bois canon, une grosse masse grise immobile. Ce n'est pas un singe. Il aurait depuis longtemps déménagé. Ça ne remue pas plus qu'une souche. C'est drôle. Pourtant, continua-t-il en approchant, c'est un animal. Le bois canon avait à peine 7 ou 8 mètres de hauteur. Son bouquet, composé de larges feuilles rares, blanches en dessous, n'avait pas plus de 2 mètres de diamètre. L'animal apparut alors distinctement. Il embrassait étroitement de ses 4 pattes une branche et paraissait dormir. Nicolas agita légèrement le tronc flexible, un peu plus gros que le bras. L'animal resta immobile. Il secoua plus fort, puis se mit à tirailler à tour de bras l'arbre qui décrivit de vastes oscillations, sans que l'enragé dormeur parût même se douter de sa présence. Ça, par exemple, c'est un peu fort. On dirait vraiment qu'il est empaillé là-haut et accroché avec des fils de fer. Eh bien, attends un peu. » Quelques coups de sabre vigoureusement appliqués sur le tronc suffirent à faire dégringoler le bois canon qui s'abattit sur le sol, sans que pourtant le mystérieux quadrupède lâchât prise. D'un bond, Nicolas fut près de lui, prêt à l'assommer, ou tout au moins à lui couper la retraite. Peine inutile, la pauvre bête laissa échapper à son aspect un gémissement plaintif. « Aïe, aïe !» et se cramponna de plus belle. Le Parisien coupa tout simplement la branche de ses cropias, la transforma en traîneau, s'y attela et reprit en continuant le chemin de la case. L'animal poussait de temps en temps son cri plaintif et se cramponnait de plus belle. Le plus loin qu'il aperçut ses petits amis, Nicolas s'écria « Henri, Édouard, Eugène, accourez, si vous saviez quelle drôle de bête j'ai trouvée !» Une explosion de rire et de cris de joie accueillit son arrivée. Robin quitta un instant son travail et s'approcha, suivi de Casimir. « Le diable nous apportez-vous là, mon cher Nicolas ?»« Ça, par sous mouton, mouton paresseux, » fit le noir. « En effet, c'est bien là le fameux paresseux, l'Aï, qui se nourrit exclusivement de feuilles de bois canon, qu'il ne met pas moins d'une journée à grimper sur l'arbre. Il séjourne jusqu'à ce qu'il dévore même l'écorce. Ça même. « Ah, » dit Nicolas, fier de sa capture. « Ce particulier-là s'appelle le paresseux. Je vous assure qu'il n'a pas volé son nom. En voilà un qui n'aime guère changer de place. « Père !» s'écrièrent en chœur les enfants. « Raconte-nous le paresseux. »« Bien volontiers. D'autant plus que cette leçon d'histoire naturelle vous sera très profitable. » Ce singulier animal appartient à la tribu des tardigrades, expression tirée de 2 mots latins signifiant « qui a la démarche lente », de la famille des édentés, de l'ordre des bradipes. Bradipes est formé des mots grecs pouce, pied et bradus, lent. Nicolas écoutait aussi de toutes ses oreilles. Savez-vous bien, patron, que les naturalistes qui se sont mis en frais de noms très compliqués pour indiquer la lenteur de notre paresseux n'ont pas eu tout à fait tort? Cet ordre comprend 2 genres, continua Robin sans s'arrêter à cette réflexion non moins exacte qu'inopportune. L'Aï et l'Uno. Ce dernier n'a que 2 ongles à chaque pied. Il ne possède pas le moindre rudiment de queue. Alors, dit Henri, celui-ci est un Aï, puisqu'il porte 3 griffes et une toute petite queue que l'on voit à peine. Très bien, mon enfant. Il se distingue également de l'Uno par sa taille un peu inférieure, qui atteint à peine 70 centimètres, tandis que celle de l'Uno peut dépasser 1 mètre. Un autre signe distinctif est cette tache noire d'ébène, longue de 10 centimètres, semblable à un point d'exclamation bordé de jaune qui s'étend entre les 2 épaules et forme une véritable dépression au milieu de ses longs poils de couleur bise, secs et grossiers comme du chien-dent. Oh, tu peux toucher! Cette tache, formée de poils doux, soyeux et très épais, produit au doigt l'impression du satin. Il ne me fera pas de mal, n'est-ce pas? Lui, le pauvre animal, est bien l'être le plus inoffensif. Et d'ailleurs, avant qu'il puisse même ébaucher un mouvement, tu aurais largement le temps de faire un véritable voyage. » Le brave paresseux, ne se sentant plus secoué ni rudement traîné sur sa branche, commence à évoluer à la grande joie de la colonie. Il lâche son point d'appui et glisse lentement sur le dos. Il rappelle assez bien, dans cette position, une grosse tortue, moins la carapace. Il croise et décroise avec une sorte d'inquiétude mollasse ses quatre pattes à la recherche de ce point d'appui. Ses jambes de devant sont beaucoup plus longues que celles de derrière. Toutes les quatre sont armées de grandes griffes, accolées par trois, jaunâtres, recourbées et présentant un développement de 5 cm. Mais quelle tête! Quel masque béat, immobilisé dans un stupide rictus! Une tête, une poire plutôt, sans front ni menton, et dont le museau déprimé figure assez bien la pointe. En guise d'yeux, deux petits points ronds, effarés, stupides, troués en vrille, et dont l'expression ajoute encore à l'idiote physionomie de ce masque couvert de petits poils jaunâtres. On ne voit aucune trace d'oreille. La gueule, aux lèvres noires, minces, filiformes, s'entr'ouvre de temps en temps. Un petit sifflement poussif sort des dents noirâtres. Les yeux clignent lentement comme si les paupières fonctionnaient mal. Nicolas le retourne et le met sur ses quatre pieds. Le paresseux s'aplatit, se traîne sur le ventre en allongeant latéralement ses jambes qui ne peuvent supporter le poids du corps. Il arrive, après un véritable voyage d'un mètre, près d'un montant de la case. Il pose tout doucement une de ses griffes sur ce montant, puis il se hisse de 2 cm. C'est maintenant le tour de l'autre patte qui s'élève avec un grand mouvement déhanché d'une interminable longueur et vient s'appliquer un peu au-dessus de la première. On dirait un cric que le monte à raison d'un tour de manivelle par minute. Les enfants trépignent sur place à la vue de cette incomparable lenteur. L'animal s'élève d'un mètre et demi en un quart d'heure. « Paresseux, monte, paresseux !» crient les enfants. « Aïe, aïe !» « Rendons pourtant au paresseux cette justice, » dit le père en reprenant le cours de sa monographie, « que quand il est accroché quelque part, nulle force ne peut l'en enlever. »« Nicolas, essaie de l'arracher du poteau. » Le parisien empoigna de chaque main les épaules de l'haï et tira de toutes ses forces sans même l'ébranler. Il se suspendit et pesa de tout son poids, rien n'y fit. Le bradipe semblait faire corps avec le madrier qui l'étreignait avec l'énergie désespérée d'un noyé. « Quelle poigne, mes enfants, quelle poigne !»« Ce n'est pas tout, » continua Robin. L'instinct de la conservation est à ce point développé chez lui qu'il lui tient lieu d'intelligence. Si, d'une part, quand des chasseurs le surprennent au milieu d'une clairière, il se laisse cribler de plomb sans lâcher prise, il élit de préférence et pour cause son domicile sur des arbres surplombant des rivières. Quand il se sent menacé, il lâche subitement son point d'appui, dégringole dans l'eau, tire incontinent sa coupe et réussit généralement à s'échapper. « Nous pouvons le garder et l'apprivoiser ?» demanda Eugène. « Certainement, mon cher enfant. Il est susceptible d'éducation. Oh, entendons-nous, d'une éducation très rudimentaire. Pourtant, je puis t'affirmer que si tu lui apportes chaque jour une petite provision de feuilles fraîches de bois canon, il ne tardera pas à te reconnaître. Il n'est pas difficile, et sa sobriété égale sa paresse. 5 ou 6 feuilles par 24 heures lui suffiront largement. Alors il est à moi. Il est à toi, si Nicolas n'élève aucune prétention à l'endroit de sa possession. Oh, vous plaisantez, monsieur Robin. Je suis si heureux d'être agréable à Eugène. Je vais lui donner à manger, dit l'enfant en arrachant une feuille de la branche qui avait servi de véhicule. Tiens, aïe, aïe, tiens donc. Le paresseux, épuisé sans doute par les efforts et les émotions de la journée, dormait accroché par une patte au rebord de la galerie. Grâce à l'énergie de tous, grands et petits, l'existence de la colonie semblait devoir être prospère. Les commencements avaient été bien durs. Le chef de la famille et sa vaillante compagne ne se rappelaient pas sans frémir les incidents terribles qui avaient accompagné leur réunion. Si l'abondance ne régnait pas encore, les besoins les plus urgents étaient satisfaits. Robin eût en somme été parfaitement heureux si le lugubre souvenir du passé ne fût venu de temps en temps attrister son esprit et lui causer aussi de vives appréhensions. Il était libre depuis trop peu de temps pour avoir oublié les horreurs de la chiourme, les travaux écrasants du chantier, l'infâme promiscuité du bagne. Il avait reconquis son indépendance, il avait pu pourvoir à la subsistance de sa famille et assurer le lendemain, mais il était urgent de mettre son habitation à l'abri d'un coup de main au cas où le hasard signalerait sa présence à ses ennemis. Il avait ménagé avec la parcimonie d'un avare les munitions que Nicolas tenait du capitaine hollandais, et si, de temps à autre, il avait fait parler la poudre, c'était pour procurer un peu de viande fraîche aux Européens à peine acclimatés. son fusil constituait un engin de défense dont il se fût servi à la dernière extrémité, mais sans hésitation aucune, pour sauvegarder cette liberté sur laquelle reposait le salut commun. Mais il considérait, et avec raison, cette arme comme insuffisante pour lui permettre d'engager, le cas échéant, une lutte dont il importait de ne pas courir les risques. Mieux valait rendre l'habitation inabordable et fortifier le seul point faible par lequel pourrait pénétrer l'ennemi. Il n'était aucunement question, bien entendu, des systèmes de défense en usage dans les pays civilisés, la stratégie étant chose inutile aux coureurs des bois et d'ailleurs parfaitement ignorée d'eux. La bonne mer, située à mi-côte, sur le versant d'une colline boisée, était inaccessible du côté ouest. Au nord et au sud s'étendaient des pripris sans fin, au fond baseux, où nul pied humain n'eût pu se poser. Mais l'est était découvert, et le chemin conduisant de l'anse au cocotier à la gaze était d'un facile accès. Là était le point faible. L'ingénieur qui eût mis facilement une place en état de défense était incapable de fermer ce défilé ouvert sur la crique. Le saut de l'iguane lui semblait une ligne insuffisante. Il s'en ouvrit à Casimir et lui demanda son avis. Le bonhomme, qui ignorait absolument ce que pouvait bien être un bastion, une courtine, un redan ou une demi-lune, trouva pourtant la chose toute simple. Une grimace susceptible à l'occasion de représenter un sourire contracta sa pauvre bonne vieille face à l'idée du tour qu'il pourrait jouer au Michan Moon de là-bas s'il leur prenait fantaisie de s'attaquer à son compé, à ses chers Pity Moon et à bonne madame. « Mo savez, nous fit qu'à chose là qu'aba, ou vini que mo que Nicolas. Je sais, nous allons faire cela immédiatement. Venez avec moi et Nicolas. Mais que veux-tu faire? Tendez un so petit morceau ou bouée. Attendez seulement un peu et vous allez voir. » Impossible d'en tirer autre chose. Les trois hommes, armés de leurs sabres, partirent sans plus tarder pour l'anse au cocotier. Le point à défendre avait à peine 60 mètres de large. Le vieillard se fit fort de le rendre inabordable en moins de 3 heures. « Faites comme moi, compère, » dit-il dans son patois, et en creusant avec la pointe de son sabre un trou profond à peine de 15 centimètres. 3 secondes suffirent aux deux hommes pour pratiquer dans le terrain friable, chacun une petite excavation éloignée l'une de l'autre d'environ 30 centimètres. « Encore, là, continuons. » Une première ligne de trous fut exécutée en moins d'un quart d'heure, puis une seconde, puis une troisième, à peu près parallèles les unes aux autres et perpendiculaires à l'habitation. « Que diable veut-il planter là-dedans, des choux ou des artichauts ?» demanda Nicolas, trempé de sueur, bien que ce travail n'eût en somme rien de pénible. « Tiens, » dit Robin, « j'y pense. Ça ne serait pas si naïf. Non, pas des choux, mais des aloès, des nopales, des agaves et des euphorbes. « Ça même, » reprit le bonhomme, « on comprend tout, compé. Mais c'est tout simple. Nous allons couper des boutures sur ces énormes végétaux qui croissent ici à profusion. Planter 250 à 300 de ces boutures, et dans 2 mois, il y aura ici une formidable futaie d'épines et de chevaux de frise à faire reculer un corps d'armée. C'est la clôture par excellence employée par les Espagnols à Cuba, par les Français en Algérie et aussi par les Brésiliens. « Je ne dis pas que ce ne soit une très bonne chose, » objecta Nicolas, « si pourtant ça visait avec le temps de s'ouvrir un chemin au sabre d'abattis. Jamais Moon Blanc pouvait passer là, » reprit avec un accent de menace le lépreux. « Ce bagage-là, quand l'y poussait, l'y plein aï-aï, plein grage, plein boïsinenga. Jamais les Blancs ne pourront passer par là. Quand ces plantes-là seront poussées, elles fourmiront d'aï-aï, de grage et de serpents à sonnette. » « Mais nous ne pourrons jamais sortir. » Casimir sourit. « Viennec pouvait appeler serpent, pouvait envoyer même. Li disait serpent ou cabini. Tout serpent courit côté l'Ikaba. Li disait serpent ou qu'est-allé. Tout serpent sautit. Le vieux nègre peut faire venir ou chasser les serpents. Il n'a qu'à leur dire « Venez, ils accourent. Allez-vous-en, ils s'enfuient. » Nicolas hochait la tête d'un air de doute en murmurant. « Je ne dis pas qu'ils ne viendront pas, mais... « Ce sera un mauvais voisinage. » Robin le rassura en lui racontant la façon dont la chiourme avait été mise en déroute jadis par les alliés de Casimir. « Alors vous croyez à ça, vous, patron ?»« Je crois ce que j'ai entendu et vu. J'aurai mauvaise grâce à ne pas m'en rapporter à nous, tout en déclarant que ça me semble fort. Mais il se passe ici des choses tellement étonnantes. » Les 3 compagnons reprirent le chemin de la bonne mer, se réservant de revenir en temps et lieu inspecter le retranchement qui devait s'élever tout seul et savoir si la garnison attendue y avait élu domicile. Ils marchaient lentement, en file indienne, comme toujours, et causaient à voix basse. Un léger bruit les fit s'arrêter soudain. Dans ces forêts, peuplées d'êtres étranges et terribles, repaires de fauves et de reptiles, où un pan de verdure sert d'embuscade à l'infiniment grand dont la griffe déchire et dont l'anneau enlace, où la feuille dissimule l'infiniment petit, dont l'invisible dard tue, un danger mortel menace toujours le voyageur sous une multiple forme. Aussi ses sens, toujours en éveil, ne tardent-ils pas à acquérir une incroyable subtilité. Non seulement le sauvage habitant du pays de l'éternelle verdure, mais encore l'Européen, sait bientôt démêler instantanément tous les murmures de la nature, leur assigne une cause, en trouve même la direction et arrive à en prévoir les effets. En dépit de son habileté, Robin, assez perplexe, ne savait que faire et surtout que répondre à Nicolas, ignorant comme un Parisien des Batignolles tout ce qui avait trait à la vie sauvage. Casimir se taisait, concentrant dans le sens de l'audition toutes ses facultés d'homme de la nature. Le bruit continuait, vague, peu intense, continu, comme le bruissement d'une pluie fine sur les feuilles élevées, auquel se serait mêlé un imperceptible crépitement. Ce n'était ni le susurrement des écailles dans les tiges, ni le murmure de l'eau qui monte, ni le ronflement d'une bande de pâtiras s'ébattant au loin. Peut-être eût-on trouvé quelque analogie avec le brouhaha bien connu produit par un nuage de sauterelles. En effet, c'est à peu près cela. Mais ce bruit, causé peut-être par la marche de milliards d'insectes dans les herbes, est plus aigu, en quelque sorte plus sec. On dirait qu'il s'y mêle comme l'imperceptible craquement d'innombrables et microscopiques cisailles. « Ça a fourmi !» dit enfin le vieux noir, qui semble vivement contrarié. « Les fourmis qui émigrent !» continua Robin alarmé. « Si elles se dirigent du côté de la case, ma femme, mes enfants, oh mon Dieu, courons !»« Eh bien quoi ? Des fourmis, ça n'est pas des éléphants ?» fit à son tour Nicolas. « Quand il y en aurait des douzaines et des centaines, on met le pied dessus et tout est dit. » Sans même honorer d'un mot cette réflexion, qui accusait chez son auteur la plus profonde ignorance du péril, les deux hommes s'avancèrent rapidement. Le murmure devenait de plus en plus distinct. On était à moitié chemin de l'habitation. Le lépreux, qui marchait en tête, s'arrêta brusquement et un soupir de soulagement dégonfla sa poitrine. « Ça, michambette là, lis pas passer côté la case, non !» Les fourmis traversaient en effet le chemin, à moins de 30 mètres des trois amis, et le coupaient à angle droit, suivant par conséquent une direction parallèle à la maison. La pente était assez rapide, et cette disposition du terrain leur permettait de voir l'armée des phénicoptères rouler comme un torrent que rien n'arrêtait. Cette masse de corps soleil d'abdomen, noir d'ébène, luisant, serré, avait les lentes et capricieuses ondulations de la lave en fusion. Elle en avait aussi les propriétés dévastatrices. Des milliers de mandibules piquaient, trouaient, mordaient, tenaillaient au passage les végétaux grands et petits. Les herbes disparaissaient, les broussailles s'éclaircissaient, les troncs eux-mêmes semblaient se fondre. Le bruit qui s'échappait de cette horde de petits rapaces était bien distinct maintenant. Le murmure était plus compact, le crépitement plus accentué. Les émigrants appartenaient à l'espèce dite fourmi flamande dont Casimir avait précédemment utilisé la piqûre pour produire à la tête du proscrit agonisant cette vésication qu'il avait sauvée. Nicolas, à la vue d'une semblable dévastation, paraissait moins triomphant que tout à l'heure. Il frémissait en voyant des arbres énormes dépouillés en un clin d'œil de leur écorce et montrer leur cœur indestructible, privé de son enveloppe comme un os, de la chair et de la peau. La retraite était, pour un temps plus ou moins long, interceptée aux trois amis. Ils allaient attendre, et si les flamands ne se pressaient pas, on couperait leur corps d'armée en incendiant les herbes. Ils allaient, de guerre lasse, mettre ce projet à exécution, quand un incident bizarre la leur fit différer un moment. Depuis quelques instants, Robin regardait curieusement une grosse masse brune accroupie, aplatie plutôt, au milieu du sentier, de façon à toucher un des côtés de la zone envahie par les insectes. De temps en temps, une sorte de vaste panache, également brun, se relevait, puis s'abaissait spasmodiquement pour recommencer sans interruption. À l'autre extrémité, un objet rougeâtre, violacé, dont l'éloignement ne permettait pas de préciser la nature, sortait, long, droit, rigide, puis rentrait, comme la tige d'un piston de machine à vapeur, puis s'élançait au milieu des fourmis, pour disparaître et reparaître encore. Il n'y avait là rien de mystérieux, et le proscrit le comprit aussitôt. La masse brune était tout simplement un honnête fourmilier qui s'offrait un plantureux régal. L'objet rougeâtre, sa longue langue visqueuse qu'il dardait à travers les insectes, le panache, son immense queue, dont les mouvements de va-et-vient trahissaient la jubilation de son heureux propriétaire. Tout entier à sa fonction gastronomique, l'animal ne soupçonnait même pas la présence des trois hommes que son manège intéressait vivement. Cette quiétude, hélas, n'allait pourtant pas être de longue durée. Le déjeuner du fourmilier avait un quatrième témoin. Celui-là semblait endurer un véritable supplice de tantale. Disons bien vite que c'était un jaguar du plus superbe et du plus farouche aspect. Un vrai bandit des grands bois. L'armée des fourmis, large de plus de 20 mètres, s'étendait entre les deux quadrupèdes, et c'est en vain que le jaguar avançait la patte avec ses gestes épeurés d'un chat pêchant une grenouille, et auquel le contact de l'eau produit une horrible appréhension. Les flamandes, l'aiguillon à l'air, serrés comme les soldats de la phalange macédonienne, le lardaient à qui mieux, et formaient entre lui et le fourmilier, objet de sa convoitise, une infranchissable barrière. Il fallait se décider, prendre un parti désespéré peut-être, mais un jaguar affamé ne raisonne plus. Un arbre s'élevait au milieu à peu près de la phalange. Il s'agissait de l'atteindre. C'était un bond de 10 mètres à opérer. Le félin, sans se donner la peine de compter jusqu'à 3, s'élance et réussit comme un gymnaste consommé. La moitié de la besogne étant faite, il s'agit de bien prendre ses mesures pour tomber d'aplomb sur le bras fourmilier et non pas au milieu de la horde grouillante dont il fait ses délices. Ce dernier a vu la manœuvre de son ennemi et tout en ouvrant l'œil de son côté, il accélère encore le mouvement de piston de sa langue et entasse rapidement les copieuses bouchées de la faim. Casimir rit de son vaste rire de nègre. Nicolas écarquille les yeux. Robin est vivement intéressé. Cette bataille de fauves va être dramatique. Le carnassier a des ongles solides et acérés, sa mâchoire garnie de crocs énormes. Le mangeur de fourmis n'a que ses griffes, mais quelles griffes ! De véritables crampons longs de 10 centimètres et aussi durs que l'acier le mieux trempé. Le jaguar, estimant que le moment est venu, s'élance une seconde fois, la gueule grande ouverte, les griffes allongées, la queue droite. Il décrit en une seconde une vertigineuse parabole et s'abat, juste à la place occupée une demi-seconde auparavant par l'impassible dîneur. Le fourmilier, sans se départir de son impassibilité, avait opéré une simple retraite de corps, et se trouvait en face de son brutal antagoniste, ramassé sur les pieds de derrière, ceux de devant levés à la hauteur de la tête, dans la position d'un boxeur. Cette manœuvre ne semble pas du goût du jaguar, qui souffle et gronde furieusement. Partant de ce principe bien connu des duellistes et des boxeurs, que, dans un combat, il importe de porter le premier coup, il allonge une patte, fait une feinte rapide, et tente de pénétrer dans la ligne basse qui lui semble imparfaitement protégée. Le fourmilier répond par une formidable gifle, si bien appliquée, que toute la peau recouvrant la partie gauche de la face du félin est arrachée du cou. Le blessé laisse échapper un hurlement de rage et de douleur. Son sang-froid l'abandonne, il perd toute mesure. Le sang qui l'aveugle ruisselle en pluie rouge sur les herbes. Il s'élance à corps perdu sur son ennemi, qui se laisse aller mollement sur le sol en baissant la tête et en étendant les pattes. En un clin d'œil, le jaguar est ceinturé, comme disent les lutteurs. Les griffes du fourmilier s'implantent comme des dents de fourche dans son corps qui craque sous la puissante étreinte. Il se débat désespérément. Les deux corps, étroitement enlacés, roulent, se tordent. Les trois hommes, témoins de cette lutte sauvage, ne distinguent plus rien. Cela dure 2 interminables minutes. Puis, ils entendent un bruit sec d'os rompu, puis un râle. L'étreinte du fourmilier se desserre. Il reste étendu sans mouvement. L'échine fracassée, près du jaguar éventré, secoué par les derniers soubresauts de l'agonie. Robin, Casimir et Nicolas, ravis de l'issue de cette rencontre, s'avancèrent avec précaution près des cadavres pantelants. « Tout est bien qui finit de même, » dit sentencieusement Nicolas. « Cet excellent fourmilier, comme vous l'appelez, patron, s'est trouvé là bien à point. Pensez donc si le jaguar avait eu la fantaisie de s'adresser à nous. » Le proscrit sourit et brandit son sabre. « Et ce ne serait pas le premier !» ajouta-t-il froidement. « En somme, voici des gaillards qu'il s'agit de déshabiller proprement. Leurs peaux formeront pour la case de superbes tapis. Allons, à l'œuvre, car les fourmis n'en laisseraient que les os. » « Tiens, » reprit le Parisien, à la vue d'un petit animal de la grosseur d'un lapin et qui se tenait blotti entre deux arcabas, Qu'est-ce que c'est que ça ? Sapitita mandou, fourmilier, dit Casimir. Pas possible. Oh, le pauvre petit, il a l'air tout éperdu. Tiens, une idée. Puisqu'il est orphelin, si je l'emmenais à la case, pour les enfants. Qu'en dites-vous, patron ? Mais de grand cœur, mon cher, nous l'apprivoiserons, et ce sera un agréable compagnon. Pendant que Robin dépouillait prestement le jaguar, le Parisien attachait à un arbre le petit fourmilier qui se laissait faire sans protestation d'ailleurs, et avec une douceur attestant un excellent caractère. « Quel drôle d'animal » dit-il en examinant attentivement les cadavres. « Comment, c'est ça qui est sa tête ? Mais il n'a pas de bouche. »« Comment, pas de bouche ? C'est-à-dire que je ne vois au bout de son museau qu'un petit trou, par lequel passe encore un bout de sa langue. Et c'est ce petit trou qui est sa bouche ? Je ne lui en connais pas d'autre. Et d'ailleurs, il n'en a nullement besoin étant donné son genre d'alimentation. » Ses mâchoires sont soudées ensemble et forment une sorte de tube, dans lequel se meut, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sa longue langue visqueuse, qu'il darde au milieu des fourmis et qu'il retire pour la projeter de nouveau. Et cette seule nourriture lui suffit ? Absolument. C'est pour cette raison qu'on lui a donné, en histoire naturelle, le nom de myrmécophaga, de deux mots grecs signifiant mangeur de fourmis. On l'appelle aussi tamanoir. Il est vraiment extraordinaire qu'un animal énorme comme celui-ci puisse s'accommoder d'un pareil régime. J'en suis étonné comme vous. Si sa conformation se rapporte exactement aux descriptions que j'ai lues jadis, ses dimensions sont bien supérieures à celles qu'on lui accorde généralement. Celui-ci, depuis le museau jusqu'à l'extrémité de la queue, a au moins 2 mètres 20 centimètres. Après tout, nous avons peut-être devant nous un des géants de l'espèce. Qu'en dis-tu, Casimir ? Moi, vu beaucoup Tamandou, gros Passelli. J'ai vu beaucoup de tamanoirs plus gros que lui. Sa tête, mince, étroite, busquée, longue, arrondie, sans poils, rappelle plutôt le bec d'un oiseau que la face d'un mammifère. Quant à sa queue, aux poils épais, rude et sec, on dirait véritablement du crin végétal. Cette longue bande triangulaire, noire, bardée de blanc, qui s'étend obliquement du poitrail à l'épine dorsale, est bien curieuse aussi. Et ses griffes, patron, parlons un peu de ses griffes. Sapristi, je ne m'étonne plus s'il a si proprement décousu le jaguar. Tiens, comme elles sont aiguës. Il ne peut pourtant pas les rentrer comme les chats, car elles ont mis à 8 à 9 centimètres. C'est qu'il en prend grand soin. Au lieu de les appuyer sur le sol en marchant, il les replie au-dedans sur la plante du pied. Ah bon, je comprends, ça fait l'effet d'un couteau fermé. Avez-vous remarqué qu'il n'en porte que 4 en avant, tandis que les pieds de derrière en ont 5? Ces derniers, d'ailleurs parfaitement émoussés, car elles lui sont inutiles tant pour se défendre que pour démolir les fourmilières. À propos de fourmilières et l'armée des fourmis, nous sommes tellement occupés depuis une demi-heure que nous n'y pensons plus. Fourmis allez toutes loin, dit Casimir. Tiens, c'est vrai, la route est libre. Nous allons rentrer en emportant les dépouilles des combattants, sans oublier notre pensionnaire. Il était dit que nos amis n'arriveraient pas à la case sans avoir épuisé toute la série des aventures. Il marchait depuis quelques minutes à peine, lorsqu'un miaulement désespéré sortit d'un gros bouquet d'herbes et un gracieux animal, de la grosseur d'un chat, s'en vint avec la naïve confiance du jeune âge donnée dans les jambes de Nicolas. Le Parisien leva son sabre. Robin l'arrêta. « Second orphelin qui sollicite l'adoption, » dit-il en plaisantant. « Celui-là sera mon élève. Je me charge de son éducation. J'en ferai plus tard un compagnon de chasse, dont les services ne seront pas dédaignés. » « C'est le petit du jaguar ?» demanda Nicolas. « Vous l'avez dit. Il est tout jeune. J'espère l'apprivoiser. Comme il pourrait se livrer à quelques écarts de griffes sur les enfants, je lui rognerai les ongles pendant les premiers mois de son éducation. Vous verrez que mon élève me fera honneur. » Une explosion de rire et de cris de joie accueillit la rentrée des 3 compagnons. Il fallut raconter par le menu le dramatique épisode grâce auquel la colonie s'augmentait de 2 nouveaux membres. Les petits orphelins ne semblaient pas trop dépaysés. À peine détachés, ils se mirent à jouer ensemble et à cabrioler avec une joie qui témoignait de leur inconscience relativement à la haine de leurs parents et à la catastrophe qui en résulta. Les peaux furent dépliées, frottées de cendres et étendues sur des troncs où elles furent fixées avec des épines de fromager. Au moment où l'ingénieur s'apprêtait à terminer la dissection de la tête, un fou rire échappa à Henri, qui l'observait curieusement. « Oh, si tu savais !» Comme il est drôle, ton tamanoir. Sais-tu à qui il ressemble ? Tiens, maman, regarde. Si on lui mettait des lunettes. Que veux-tu dire, mon petit espiègle ? Qu'il ressemble à mon professeur d'écriture, M. Michaud. et le gamin fut repris de plus belle par son rire qui se communiqua à ses frères, et tous, jusqu'au plus jeune, se mirent à crier « C'est Monsieur Michaud, Monsieur Michaud !» tant et si bien que le nom de Michaud resta au petit amanoir. Quant au jeune jaguar, il fut à son tour bientôt pourvu d'un état civil. Sa grande ressemblance avec le chat lui valut séance tenante le nom de Cat, qui lui fut donné par Henri.